La chronique du hockey mineur à Robert avec notre ami Hugo Matin. Salut Hugo. Écoute, Salut. on va parler du hockey en général à Roberval. Tu es le président du hockey mineur ce matin. On a toujours une chronique aussi avec Jason de la Jeunesse pour parler des Sabres. Et il n'y avait pas beaucoup de joueurs à Roberval la semaine passée pour les Sabres, mais il y avait seulement 6 attaquants. Est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès jusqu'à maintenant? Moi, je me pose la question parce que entendre parler qu'il y avait une effervescence du hockey à Roberval, que les joueurs voudraient aller jouer pour les Sabres, il y avait beaucoup de joueurs qui ne voulaient plus jouer à Matébécho, mais étant donné que c'était à Roberval, ça allait être différent. Mais là, finalement, 6 attaquants la semaine passée, puis vous étiez que la première année, coudonc, est-ce qu'on peut qualifier ça de succès mitigé? Bonne question, hein? Je pense pas que ce soit un succès mitigé. Moi, je pense que c'est la première année. Ouais. Puis en toute première année d'organisation, ou en toute première année de départ de quelque chose, ben c'est sûr que il y a des ajustements. Je pense qu'il y a des ajustements à faire. Puis les gens, ben les gens sont toujours très optimistes. Sauf que des fois, dans la réalité de tous les jours, puis dans la réalité, c'est différent. Puis à partir de là, ben tu travailles avec des jeunes, ben tu travailles. C'est pas un travail, mais tu fais affaire avec des jeunes de 18 à 21 ans, donc c'est pas entre le rêve, puis dire oh oui, ça va être intéressant, on va y aller, ça va être ci, ça va être ça, puis la réalité, ben il y a toujours deux mondes. Ça fait qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est pas nécessairement toujours là, la manne. Puis nous autres, t'as des cohortes. T'as des cohortes aussi qui fait que malgré le fait que ça a passé très, très, très, très bien au niveau de admettons, du midget, du Marco Sport, on sait que la grande majorité de ces jeunes-là, la plupart des équipes présentement, habituellement, ben, on a une forte majorité de jeunes qui viennent dans ces équipes-là, qui viennent de Saint-Félicien. Les jeunes de Saint-Félicien, ben, ils appartiennent à Normandin, aux Éperviers. Donc, tu viens que tu n'as pas nécessairement à toutes les années un gros bassin de joueurs qui viennent de Roberval. Fait que tu en as toujours quelques-uns, mais je suis pas nécessairement surpris du nombre. Je suis pas nécessairement surpris là, il va y avoir des ajustements. C'est comme dans toute chose. Je les vois pratiquer, moi, la semaine, parce qu'ils pratiquent après la tourne 2C. C'est pas facile au niveau des pratiques parce que les jeunes sont pas tout le temps. Les Ben jeunes, oui, mais c'est il y en des a beaucoup à adultes. Ouais, c'est ça. l'extérieur. C'est des adultes, là. Ils sont à l'univers, sont au cégep, sont à gauche, à droite. Fait que moi, je les vois pratiquer. Il y a des pratiques qui sont 6, sont 7, sont 8, sont 10 aux pratiques. Fait que c'est sûr que c'est ça le monde junior. Tu sais, c'est dire, c'est. Ça crée. Ils viennent aux parties. Je pense qu'au niveau de la population, ça répond quand même assez bien. Je pense pas qu'ils soient nécessairement déçus des assistances puis tout le. Mais c'est clair que la structure va être peut-être là, à retravailler. Mais pour l'an 1, moi je peux pas dire que les gens doivent être déçus de ça. Sauf qu'il y a peut-être là, des ajustements à apporter là, par rapport à ça. OK. Si on parlait maintenant du hockey général, au niveau Atome 2C, ça va bien? Je vois Atome 2C, ça va bien. Écoute, je pense que, à part là, c'est pas méchant, là, mais à part Chibougamau, qui au début de l'année, ont connu un début d'année difficile, c'est vraiment une belle ligue, c'est vraiment une belle parité. Les équipes là sont vraiment, tu sais, ça joue du coude à coude. Tout le monde, je regardais ça le classement. Là, nous, on a 4 victoires, 5 défaites. Là-dessus, on est allé jouer, on a perdu en partant 3 fois à Baie-Comeau. Fait que depuis qu'on joue dans notre ligue de ce bord-là, ben on a 4 victoires, 2 défaites de jouer dans la région. Puis c'est toutes des parties là, de 2-1, 3-1, à part Chibougamau. Donc je regardais ça, là, même en fin de semaine, les Rapides dans l'Atôme contre qui on perd 3-1 en fin de semaine, on a perdu 2 fois par un but. Fait que c'est vraiment une belle ligue. Les jeunes compétitionnent, tout le monde compétitionne. Puis quand tu compétitionnes, ben habituellement tu t'améliores, là. C'est pas en perdant 10-0 ou en gagnant 10-0. Fait que je suis vraiment, nous autres, en tout cas à Roberval, on est vraiment contents là, de la parité de la Ligue cette année. Là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une belle Ligue de même là, avec plusieurs équipes là, qui sont capables de se battre. Tout le monde se bat entre eux autres. Puis on est bien satisfait là, de l'organisation de la Ligue et de notre équipe cette année. OK. Aussi, autre chose à ajouter, peut-être aussi au niveau Oui, ben, CPL, cette ouais. année, nous autres, c'est le début du novice. OK. Dernière Ouais. catégorie qui commence dans le simple lettre. Nous autres, c'est la première année où est-ce qu'on devait. On a quatre équipes, deux équipes dans le A, deux équipes dans le B. Donc, il a fallu diviser là, habituellement une équipe dans le A, c'est pas pire, puis deux dans le B. On avait vécu ça des dernières années, mais cette année, vraiment, là, de faire deux équipes dans le A, donc de prendre là, 26 jeunes puis diviser deux équipes le plus compétitif possible dans le A, puis après ça, prendre les 24 autres petits bonhommes puis faire deux équipes de B, ça a été un bon casse-tête, ça a été un bon travail pour essayer de satisfaire tout le monde puis faire en sorte que là, ben, que l'ensemble des gens soit quand même le plus satisfait possible. Donc, on a fait ça là, la semaine dernière. Il y a eu deux parties hors concours. Nos deux équipes l'ont joué contre Saint-Félicien pour Dolbeau et Dolbeau pour voir là, si on était de Puis, calibre. Fait que on a perdu nos deux OK. parties par un but. Fait qu'on a perdu 7-6 contre Dolbeau. C'est sûr que dans le novice, c'est des gros scores, là, mais on a perdu 7-6 contre Dolbeau. Puis mon autre équipe a perdu 6-5 contre Dolbeau, contre OK. Saint-Félicien. Donc, puis cette semaine, j'ai vu quelqu'un de Saint-Félicien qui me disait ils ont joué contre Dolbeau. Puis Saint-Félicien a gagné 5-2, mais après deux périodes, c'était 3-2. Fait que les parties là, sont vraiment serrées. Il était serré. Fait que je pense qu'on va avoir là, une belle ligue dans le novice également. Fait que on a en masse de jeunes. Là. C'est la première fois qu'on a au-dessus de 50 novices, nous autres, avec Mastoyache. Donc, ça pourrait nous faire une belle banque, puis une belle relève là, qui va monter dans les autres catégories. Donc, on était bien satisfait de ça, là, que notre novice commence en fin de semaine OK. maintenant. Hugo, c'est pas mal, ça fait pas mal le tour? Ça fait pas mal le OK. tour de ce qui se passe à Robertval. La semaine prochaine, ben, je te parlerai là, de mon tournoi, le Novice Atome. Ça Là, vient bientôt. on affiche Ah, complet. déjà, Ouais, c'est bon. c'est bientôt qu'on affiche complet. C'est un autre Un beau succès en bonne perspective. nouvelle pour notre tournoi. Oui, c'est un beau Ouais. succès. Ben, Hugo, on s'en reparle la semaine prochaine. Hugo Parfait. Mantet du hockey mineur de Robertval.